أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن بعض يعني نتكلم عن شيء ذكرناه سابقا وهو عن الفجر. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ce qui signifie: vous êtes autorisé de manger ou de boire jusqu'à ce que vous apparaisse la clarté de l'aube dans l'obscurité de la nuit. Ensuite, poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire qu'il faut s'assurer de ces parties-là du jour. إذن فلابد الإنسان يتأكد من يعني هذه الأوقات. Donc il faut s'assurer, parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Donc les temps, c'est pas comme ça, on met à la légère en fait. يعني مش يعني شيء هيك. نحن الحمد لله نمشي ذهبنا ورقبنا الفجر. Donc nous, on a parti, on a observé l'aube. On n'a pas mis comme ça, yani, le temps juste pour, soi-disant, embêter les gens, qu'ils arrêtent de manger comme ça. Non. Pas comme ça. Parce que les gens, ils posent des questions. Pourquoi le temps, il est temps? Est-ce que tu as observé? Si quelqu'un l'a observé, il peut donner les résultats de son observation. Il ne peut pas dire: ah oui, tel calendrier, ceci ou cela. إذا إنسان راقب يعطي معلومات: أنا راقبت ذهبت ورأيت الفجر في وقت كذا. مش مجرد يقارن بين هذا وهذا، يعني مش لعب. نحن مش حاطين أوقات نلعب هيك، مع أننا ما نعمل حاطين أوقات. فالمراقبة، خرجنا وراقبنا، يعني نحن في باريس مش كما مش مثل البلاد، الشمس تتغير على حسب المكان انت فيه. مش في أستراليا كما باريس، مش كما البلاد كما باريس. يعني c'est-à-dire le soleil change, bien sûr, ça c'est connu. C'est pas comme en Australie comme à Paris, c'est pas comme au Maghreb que à Paris, ça change. يعني الفجر يعني في باريس يدخل يعني تقريبا 23 و25 دقيقة تقريبا في هذا الوقت. وهذا يعني حساب معروف حتى في بلاد العربية. هذا يسموه يعني عندما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق، عندما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق. وهذا معمول به في كل البلاد الإسلامية تقريبا. بعض الفرق لهنا لا يعملون بهذا ويقع الناس في الغلط. فنحن نعم بحساب معترف بكل الدول ونراقب. Donc nous en fait, donc ça c'est quand le soleil, on appelle ça 18 degrés sous l'horizon. Et ça c'est utilisé dans tous les pays musulmans. Donc nous on suit ça en fait. Il y a quelques groupes en France qui ils inventent des méthodes à eux. C'est eux le problème, c'est pas nous. Nous on suit quand le soleil est 18 degrés sous l'horizon, c'est ce calcul-là qui est utilisé dans tous les pays musulmans, mais nous, on ne suffit pas à cela, on va, on sort et on observe. Donc il y a 2 jours, on a fait une observation. Donc chaque année, on observe. Donc on n'a pas mis les heures comme ça. Pour quelqu'un, il vient, il dit, ah, pourquoi c'est ça? Il ne peut pas venir me dire pourquoi c'est ça si lui, il n'est pas parti observer. Il peut dire, oui, je suis parti observer telle nuit, et j'ai vu, voilà les résultats. Oui, ça, c'est acceptable. Mais de dire, non, tel calendrier dit ça, ce n'est pas une preuve, tel calendrier. N'importe qui, même un non-musulman, peut imprimer des calendriers. Dire tel calendrier ou telle radio. Est-ce qu'il y a, donc de nos jours, il y a une radio, c'est des savants de l'islam? Mais ça n'existe pas. Donc, comparer des calendriers ou des radios, ce n'est pas une preuve religieuse. La preuve religieuse, c'est le verset. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نحن مشينا ورقبنا في الليالي وكذا وبعد يجي واحد يناقش مغير دليل وهذا الحساب الذي نعمل به معروف عند كل الدول الإسلامية عندما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق وهذا معروف حتى عند علماء الفلك donc ça c'est connu dans tous les pays musulmans, ce calcul-là, et c'est connu même chez ceux qui font l'astronomie, ils appellent ça l'aube astronomique. Mais nous, on ne suffit pas à cela, on va observer. Mais il s'avère que ça tombe juste. Donc ils disent que l'aube commence quand le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. Et dans tous les pays musulmans, ils disent ça presque. Quasiment tous. Certains, ils inventent ici en France des calculs à eux. Donc nous, on ne suit pas ceux qui inventent. Nous, on suit des règles et des preuves. On ne suit pas un homme qui a tiré une idée. Il n'y a pas le droit de connaître les hommes, mais les hommes connaissent. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc il suffit, la personne sort et l'observe. Maintenant, observer juste au milieu de Paris, tu ne peux pas. Vraiment. Parce que l'aube, elle commence fine. L'aube, elle commence très fine. Il faut connaître un peu. Il y a des gens, ils ne savent même pas le soleil, comment il bouge. Donc, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc, en été, ce n'est pas comme en hiver. En hiver, la journée, elle est courte. En été, elle est longue. Donc, il met du temps. Donc, l'aube, elle commence très fine. Si tu as beaucoup de lumière, est-ce que tu vois les étoiles? Tu ne vois pas. Il faut aller dans un endroit obscur. Si tes yeux sont remplis de lumière, tu ne vois pas. Il faut un endroit obscur, tu peux voir. Et ça, c'est connu. Donc, quand il y a l'obscurité, tu vois. Les petites lumières, tu les vois. Et donc, nous, on part dans des endroits obscurs, dans la région parisienne. C'est pas Marseille, c'est dans la région parisienne. Et on voit. Et ceux qui étaient avec nous, qui sont partis observer, ils étaient étonnés. Tu vois qu'il est rentré depuis longtemps et des gens continuent à manger. Au milieu de la ville, tu ne le vois pas. Il y a des lumières. C'est pas comme à l'époque du prophète, à l'époque du prophète, il n'y avait pas des étages. Il n'y a pas des lumières artificielles. Tu voyais facilement. Quand tu vois la campagne, tu vois facilement. Donc, au milieu de Paris, c'est pas comme les villes ou la ville à l'époque du prophète. Il y a plein d'obstacles, il y a plein de pollution lumineuse, plein de villes et de lumières qui empêchent de voir l'aube au début. Donc, on ne peut pas comparer de voir son balcon, son appartement, comparé à une vraie observation dans des conditions. Donc quand on a mis l'IMSEC, c'est pas comme ça pour rigoler ou pour... Parce que l'aube, il rentre après, selon les observations. Et d'ailleurs, la précaution, c'est de s'arrêter après ou avant? C'est logique, la précaution, c'est toujours avant. L'insan yahtat. L'ihtiyat ma huwa? M'ba'd ou la qabl? Tahtat. فإنسان لا يقارن مثل يعني إذا تخرج البرة في البرية ترى بسهولة. فنحن مش هيك. ثم الإنسان يعني يصبر في طاعة الله على شوية أكل. فنحن مش وضعنا هيك إمساك عاشقين الجوع وال يعني واحد هيك. الله جعل الشمس في هذه المناطق يعني تغرب في وقت كذا وتشرق في وقت كذا وفي مناطق غير. فالإنسان يعني ينتبه. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فوفات الذي عليه الصلاة والسلام سيكسينيفي أنا يبنس فير لو جون من غان كلا فان إلى سواف. Donc les voilà, donc les heures on observe dans plusieurs villes, alhamdoulillah, et on a suivi pour les donc le calendrier la méthode de calcul connue, à savoir le soleil 18 degrés sous l'horizon pour l'aube, et c'est connu dans les astronomes musulmans avant, et mais les autres astronomes aussi, ils appellent ça l'aube astronomique. Mais nous on va observer, on ne suit pas aveuglément en calcul. On observe parce que la religion requiert l'observation visuelle. Donc on vérifie. Et chaque année on vérifie, alhamdoulilah. Donc ceux qui vous posent la question pourquoi ils mettent ça, donc je dis, c'est des gens donc sérieux, ils vérifient. Et c'est pas comme ça, aveuglément, par plaisir, arrête-toi maintenant. Donc on vérifie. Et dans le prophète, il dit pas de suivre comme ça, aveuglément. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, telle mosquée ou telle... Omar ibn al-Khattab, c'est le chef des musulmans à l'époque, et la femme ne l'a pas suivi avec les mots, elle lui a donné un verset. Et Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. La femme a dit, c'est Omar qui a dit, c'est un masjid foulain, c'est un docteur foulain, c'est un alim. Et il a dit, c'est un musulman. Et tu as appris de le Rasoul, il a dit, c'est un ayat. Quand il a dit, c'est un ayat. قال اخطا عمر واصابت امراه. ما قالاش كيفاش تناقشي عمر هو المرجعيه. دونك لي با دي كومون تو ديسكوت عمر سي لوي لو شيف سي لوي كي لو ريبريزونت. Parce que déjà ils ont fait remarque pourquoi normalement on suit telle mosquée. C'est pas ça la preuve, suivre telle mosquée, c'est la preuve religieuse. C'est ça. Donc voilà, donc c'est fait donc avec sérieux ces heures-là, donc parce que il faut avoir une honnêteté dans la religion, donc on bâcle pas ces choses-là. Nous, un insan, يعني هذا أمانة شرعية. إحنا ما لعبوش بالدين. حط هيك وغمض عينك تبع. إنما مشينا ورقبنا وشفنا وديما منزل الراقب. الحمد لله. Donc on a observé, on est sorti, on regarde encore. Donc voilà pour les heures qu'on met, c'est pas pour rien, les heures qu'on met. Voilà, donc c'est comme ça, c'est proche de juin, c'est Paris, c'est pas comme le sud, c'est pas pareil. Le soleil, c'est pas pareil. Il se déplace, si tu vas encore plus au nord, c'est encore plus long la journée. C'est comme ça. On peut pas décider, le soleil, arrête-toi. فهكذا يعني إنسان يعني ينتبه ليتبع يعني الدليل، يمشي مع الدليل. إذا إنسان يريد يخرج ويراقب، هذا هو هذا الشرع يقول تمشي وتراقب. هنا يمشي نجم يقول أنا شفت مشيت خرجت وراقبت هاو شفت وقتاش الفجر بدأ وهاو كذا. هنا يبدأ الكلام يعني فيها حوار. أما هيك يقول لا مغير يقول لا مقارنة ببرنامج أو ورقة ما يمشيش الحال. Donc quelqu'un qui sort, qui observe avec les conditions, là c'est une discussion correcte de dire ah moi j'ai vu ça. Là, mais de dire non telle feuille elle a dit ça ou telle application elle a dit ça, ça c'est pas une preuve religieuse. Donc ça c'est important pour que la personne donc peu de temps patienter Yani, de toute façon, la personne, le jeûne, c'est obligatoire pour celui qui est capable. Quelqu'un qui est malade, ben non. Qui est incapable de le faire. Donc, juste avoir faim et avoir envie de manger, ce n'est pas une excuse, ça. C'est quand l'excuse, c'est on a une maladie insupportable, etc. Ça, c'est l'excuse. Et مجرد الانسان يشتهي الاكل ماهوش عذر شرعي. الجوع تحس بالجوع تحس بالجوع ما باش تحس العذر هو مريض مرض شاق لا يستطيع هنا عذر انه ما يفطر مجرد يشتهي الاكل ماهوش دليل هذا ليس دليل انه مجرد يشتهي الاكل يحب يزيد ياكل Donc ce n'est pas une preuve religieuse le fait qu'il a envie de manger et qu'il veut rajouter. Voilà. Celui qui veut des preuves, d'autres détails, on peut expliquer, bien sûr. On a des preuves, etc. Les hibd, adilla, ou tafasil, nashrah nahmu. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala muhammad ta'il amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an wa shifa'an kulli da'a. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين